Ah ouais, Britney Spears, j'adore. Toxic ou Baby One More Time. One More Time. One More Time. Oh, les Daft Punk, il y aura un épisode ou pas? Merci Blockbuster pour cette admission sur Britney Spears. Baby One More Time, je crois que je devais avoir 14 ou 15 ans quand c'est sorti et pour moi c'était la quintessence même de la séduction. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'entendais la chanson, j'avais la choré dans la tête et je me sentais pousser des ailes de séductrice en herbe et je prenais vachement confiance en moi alors qu'en fait, bon, ça a rien donné de particulier. Et c'est vrai que toutes ces chansons, c'est des hits qui restent dans la tête. J'ai écouté le replay ce matin et ça tourne en boucle depuis 9h. Donc je vais passer ma journée avec toutes ces chansons qui tournent en boucle. Alors merci, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci Blockbuster. Oui, bonjour, salut Blockbuster, Stéphane. Ben écoutez, je vous remercie. Maintenant, je vais pouvoir cocher la case vieux con dans les formulaires parce qu'effectivement, je ne connais absolument aucune chanson que vous avez passée sur cette chanteuse Britney Spears. Peut-être que je pense que c'est parce que je n'écoute que France Inter. Allez, poutou, allez, ouais, ouais. To be or not to be, not to be. C'est dur de ne pas devenir un vieux con. Déjà parce que le temps joue contre toi. Hein, chaque jour qui passe, tu vieillis. Et si tu arrives à éviter de devenir vieux, c'est que t'es mort, donc le choix est vite fait. Ensuite, pour ce qui est d'être con, tu l'étais peut-être déjà jeune sans t'en rendre compte. Bref, sans être un passage obligé, devenir un vieux con, c'est une étape de ta vie à laquelle il est très compliqué d'échapper. Néanmoins, il y a des symptômes qui doivent te renseigner. Toute phrase qui commence par « de mon temps » ou « quand j'étais jeune » a de fortes chances d'être le joueur de clairon qui annonce l'arrivée d'une belle phrase de vieux con. L'autre fois, je regardais mes enfants choisir un dessin animé sur une des nombreuses plateformes qu'ils ont à leur disposition, Amazon Plus, Netflix Prime et autres Disney TV. Là-dessus, des milliers d'heures de dessins animés en plusieurs saisons, dans plusieurs langues, sans aucune pub, accessible 24 heures sur 24. Nous terminons la saison 3 du Prince Dragon, et là j'entends mes petits gnomes dire « Oh, on l'aura quand la saison 4 ? C'est long !» C'est long ? On vient de se taper 3 saisons à raison de 3 épisodes par soirée pyjama, et vous trouvez ça long ? Attendez, vous croyez que de mon temps, on avait accès à la bibliothèque d'Alexandrie des programmes jeunesse ? Laissez-moi vous dire qu'à mon époque, on était content si on voyait un épisode par semaine. Je vais même vous dire, il y avait des séries comme Ulysse 31, on avait droit qu'à 5 minutes d'épisode par jour. Par jour ! Et je vais vous dire les enfants, celui ou celle qui à l'époque réussissait à voir l'intégralité des épisodes d'Ulysse 31, celui-là pouvait vraiment dire « c'est long ». Et c'est là que j'ai réalisé, ça y est, je suis un vieux con. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Vivant, vous êtes vivant. Il y a des films, des séries ou des dessins animés qui nous sont chers par la nostalgie qui les entoure. Mais au moment de les revoir, on peut se surprendre à dire « Oh tiens, ça a quand même mal vieilli !» Et puis, il y a des œuvres d'art qui, malgré les années qui passent, continuent d'impressionner par leur caractère avant-gardiste, par le soin apporté à la réalisation. C'est le cas d'Ulysse 31. Ulysse 31 est un dessin animé comme il en existe peu, une réunion de talents de l'animation franco-japonaise comme on en a rarement vu. Jean Chalopin, Bernard Derriez, Nina et Gilbert Wallmark, Shingo Araki, Michi Emeno, Shoji Kawamori, Chucky Levy, Claude Giraud et Jean Topard, les Avengers des créateurs de dessins animés des années 80. Pour revenir sur ce monument de la télévision du siècle dernier, j'ai avec moi Philippe Brunet, bonjour. Vous êtes professeur de littérature grecque à l'université de Rouen et co-directeur de l'atelier Cœur et Théâtre Antique à la Sorbonne. Vous avez publié plusieurs livres, dont le plus important est une traduction intégrale en rythme de l'Iliade d'Homère, parue aux éditions Seuil en 2010 et Point Seuil en 2012. Et sous le nom Philippe Brunet-Aga, un poème de 2500 vers, Retour à Fukushima chez BOD, sur la traversée de la Sibérie par votre ancêtre samouraï en 1898. Et actuellement, vous préparez une récitation intégrale de l'Odyssée d'Homère dans sa traduction en hexamètre avec marionnette par la compagnie, votre compagnie, des Modocos. C'est ça, merci. Avec nous également Alexandre Le Trenne, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste série chez VL Média et vous avez une nouvelle émission que je conseille chaque vendredi à 19h30, le générique TV Show, dans lequel vous recevez de grands interprètes de générique télé et de grands concepteurs de programmes jeunesse. Exactement. Avec nous, on le présente, mais en même temps, désormais les auditeurs de Blockbuster le connaissent bien, Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Vous êtes journaliste spécialisé en pop culture japonaise, on vous doit notamment l'ouvrage Un siècle d'animation japonaise paru aux éditions Inis. Tout à fait, coécrit avec Philippe Bunel. Et durant cette émission, nous aurons la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir Bernard Derriès au téléphone. Bernard Derriès qui est dessinateur, scénariste et réalisateur notamment du Lys 31. Mais je pourrais aussi parler des Mystérieuses Cités d'Or, l'Inspecteur Gadget, enfin bref, etc. On a un demi-dieu de l'animation française avec nous au téléphone tout à l'heure. Ensemble, on va revenir sur la genèse de Ulysse 31 qui a changé tant de choses dans l'histoire de l'animation française. Qui sont les génies à l'origine de la transposition au 31e siècle de ce héros de la littérature homérique? Quelles ont été les difficultés rencontrées tout au long du processus créatif? Qu'est-ce qui fait qu'Ulysse 31, c'était et ça reste génial? Et enfin, qu'est-ce que cette odyssée aussi longue que nos civilisations dit de nous? Et pourquoi elle nous fascine autant encore aujourd'hui? Allez, heureux qui comme Ulysse a droit à son blockbuster. Ulysse, pourquoi as-tu détruit mon cyclope? Pourquoi le Cyclope a-t-il enlevé mon fils Télémaque? Qui te crois-tu pour oser défier Poséidon? Écoute, Poséidon, personne n'a le droit d'arracher un fils à son père. Pauvre présomptueux, ô grand Zeus, montre ta puissance! Ulysse, je perds le contrôle. Nous tombons. Nous perdons de l'énergie. L'iris s'éteint. Ulysse, viens vers nous. Entre dans le domaine de l'Olympe. Oh, incroyable, ce n'est pas possible. Nous devons rêver. Rêve ou pas, l'Olympe est bien là sous nos yeux. Rêve ou cauchemar, notre seule chance de nous en sortir, c'est de descendre dans l'Iris et de tenter de rétablir l'énergie. J'y vais, courage, mes amis. Évidemment, en entendant la voix de Claude Giraud, comédien de doublage, qui double Ulysse, tout de suite, ça convoque énormément de souvenirs d'Indonette. Mais j'ai réalisé, en préparant cette émission, que pour beaucoup de nos plus jeunes auditeurs, Ulysse 31, c'est totalement l'inconnu. Donc, Mathieu Pinon, est-ce que vous pourriez résumer Ulysse 31 pour les plus jeunes? C'est très facile à faire. Je vous remercie pour cette question, parce que c'est vraiment, je pense, la question la plus facile de l'émission. Ulysse 31, ça raconte l'histoire d'Ulysse, donc l'Odyssée, au 31e siècle. Donc c'est vraiment le poème d'Homère qui est transposé en science-fiction. Et on va retrouver les principales étapes qu'a pu connaître Ulysse au cours de son Odyssée, mais en version science-fiction. C'est-à-dire que donc dans le premier épisode avec le Cyclope qui va justement entraîner la colère des dieux et toute la malédiction qu'Ulysse va devoir traîner pendant son Odyssée, le Cyclope, cette fois, est une espèce d'immense robot satellite. D'ailleurs, c'est très rigolo puisque ça commence avec le Cyclope qui se transforme en robot satellite et le dernier épisode, Cerbère est un satellite à trois têtes. Donc, on se retrouve un petit. Et ça va être ça pendant donc 26 épisodes. Il y a juste la fin qui n'est pas totalement respectée puisque on nous épargne entre guillemets le retour à Ithaque qui est quand même assez gore dans la version dans l'œuvre originelle, lui il est sans pitié. Voilà. Et donc on retrouve le fameux Ulysse aux mille ruses qui va devoir qui est qui a un côté très très pacifiste justement, c'est ça qui est très intéressant dans Ulysse 31 je trouve, qui va devoir ruser pour pouvoir s'en sortir. Et donc il voyage à bord de l'Odysseus, son vaisseau. Il part de la base spatiale de Troie tout va bien dans le meilleur des mondes. Il arrive sur la planète des Cyclopes, il fâche les dieux en détruisant le Cyclope, et par conséquent, il y a donc cette malédiction qu'on a pu entendre. Alors que c'est surtout Nono. Oui, c'est grâce à Nono, le Nono petit qui robot. Qui est le robot que Ulysse a offert à Télémaque. Petit son robot, fils. Voilà, le cadeau d'Ulysse pour Télémaque, son fils. Et suite à la destruction du Cyclope, tous les voyageurs, toute l'équipe de l'Odysseus se retrouvent dans une sorte de stase, une sorte d'hypnose. Ils flottent littéralement, complètement endormis. Et il n'y a que trois personnes qui ont pu échapper à cette malédiction, à savoir Ulysse qui était en sortie extravéhiculaire pour pouvoir réparer l'Iris, donc il n'a pas subi ça, et Télémaque et Thémis. Donc Télémaque qui est le fils d'Ulysse, Thémis qui est une petite petite extraterrestre qui a été recueillie par l'équipage, qui était en soins dans l'infirmerie. Donc comme ils étaient sous, un peu comme Michael Jackson dans son caisson à oxygène, oui, ils n'ont pas subi la malédiction. Et la dernière personne qui ne l'a pas subi, c'est Nono, le petit robot rouge et amusant. Et donc avec ses deux enfants et son robot, Ulysse va chercher à retrouver la Terre dont le chemin a été effacé de Cherka, l'ordinateur de bord de l'Odysseus, et surtout à retrouver, à redonner... Et à la voix d'Evelyne Selena, et à redonner première la voix, Evelyne Selena. Redonner la vie, tout du moins la conscience, à son équipage, et pour ça, il faut qu'il aille jusqu'au royaume d'Hadès. Philippe Brunet, l'Ulysse de l'origine, logiquement, lorsqu'il entame son périple de l'Odyssée, il y a une énorme saga qui s'est passée avant, qui s'appelle l'Iliade. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans Ulysse 31, mais c'est qu'en fait, l'Odyssée, c'est la deuxième étape d'une énorme saga dans laquelle on a déjà pu découvrir Ulysse aux côtés d'Achille, combattant pour s'emparer de Troie et récupérer Hélène, enlevée par Paris. Et donc, en fait, est-ce que le Ulysse qui est décrit dans l'Iliade correspond aussi au Ulysse qu'on voit apparaître dans l'Odyssée? Ou est-ce qu'il y a quelques divergences, des libertés que Homère... On ne sait pas qui il était véritablement, hein, s'il était un ou plusieurs, mais est-ce qu'il s'est permis des libertés avec sa propre création? Bon, déjà, bien sûr, Ulysse va passer d'abord 10 ans devant Troie à essayer de prendre cette ville, et l'Iliade raconte un petit moment de la fin, avant même de prendre la ville, puisque la ville de Troie n'est pas prise dans l'Iliade. Oui. Donc elle est prise dans l'intervalle. Et puis l'Odyssée, c'est le moment du retour. Mais c'est déjà après plusieurs années que Ulysse tente de rentrer chez lui. Ça fait 7 ans qu'il est chez Calypso, dans le poème, dans l'Odyssée d'Homère. Avec qui il vit une histoire d'amour quand même, hein, disons-le clairement. Bien sûr, bien sûr. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu sa femme. Voilà, c'est ça. Ça fait donc déjà 17 ans. Donc, oui. Et on peut dire que c'est effectivement une espèce de... Après la prise de Troie, tout est fini. Enfin, Hélène est reprise, elle va rentrer avec Ménélas. Bien sûr, il y aura des difficultés. C'est raconté dans l'Odyssée aussi, oui, tout le retour de Ménélas. Et puis, tous ces détours, toute cette errance, causée en partie justement par la malédiction de Poséidon, plus que de Zeus. Enfin, oui. Non pas de Zeus. Oui, ça, dans la version Ulysse 31, on sent que Poséidon a un peu sous-traité la vengeance à Zeus parce qu'il y a tant qu'à faire. Voilà, on dit les dieux de l'Olympe. Oui. Comme ça, ils sont un peu unanimes pour punir Ulysse, à le condamner à l'errance. Et c'est sûr que l'ambiance change parce que rentrer chez soi, c'est pas pareil que partir la fleur au fusil, faire dans une guerre fraîche et joyeuse. C'est très différent, l'humeur est vraiment radicalement différente. Donc on est un peu triste, on est un petit peu... On va vieillir aussi. Mais d'ailleurs, Ulysse, dans l'Iliade, faisait partie, pour rester sur le texte d'origine, initialement, on ne voulait pas faire la guerre à Troie. Il faisait partie de ceux qui ont essayé justement d'ourdir pour ne pas être appelé. Voilà, ça c'est le récit même d'avant Homère, enfin, ou dans d'autres épopées qui racontent les débuts, comment Ulysse n'a pas voulu y aller, Achille non plus, qui s'est déguisé en fille. Enfin, tous ces héros, effectivement, ont été contraints parce que la Terre voulait se débarrasser du surplus d'humanité. Et donc, elle a créé cette guerre pour alléger, soulager le fardeau de la Terre. Ah, déjà, il y avait déjà cette théorie. Voilà. Alexandre Letraîne, quand Ulysse 31 apparaît sur les écrans de télévision français, Il est diffusé d'une manière assez iconoclaste. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, il est diffusé en fait par salve d'épisodes de 5 minutes, diffusé à 19h55. En fait, la personne qui s'occupait des programmes jeunesse sur FR3, qui s'appelle Hélène Fatou, elle avait vu qu'il y avait un créneau qui se libérait, qui était celui de 19h55, mais qui correspondait pas du tout en fait au créneau habituel pour diffuser des programmes jeunesse. Mais elle s'est dit qu'elle avait une carte à jouer. C'était déjà la contre-programmation et elle dit : je vais y proposer des dessins animés. Et en fait, les premiers dessins animés qui vont y aller, c'est les dessins animés d'une grande société qui s'appelle Procidis, c'est celle d'Albert Barillet qui va créer Il était une fois l'homme, et c'est à elle qu'il va proposer en premier d'ailleurs de diffuser ses épisodes selon ce modèle-là. Procidis d'ailleurs, dans laquelle des gens qui étaient en contact avec la DIC de Jean Chalopin et de Bernard Darrieussecq, c'est un studio qui est aussi très important. Et donc elle va y aller, elle va proposer d'abord ses dessins animés-là, puis elle va appliquer le même modèle après avec Ulysse 31, mais le succès va être tellement énorme qu'elle va même recevoir des coups de téléphone des chaînes en face pour lui dire : écoute, ce serait sympa de retirer parce que tu prends du temps sur notre publicité et c'est pas bon du tout pour un programme juste pour les enfants. Elle va maintenir la cadence et donc effectivement, 6 épisodes de 5 minutes diffusés toute la semaine et le samedi, l'épisode remonté en 26 minutes avec, selon les dessins animés, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure hors antenne, off des petits bonus. Mais voilà, on a la version longue. J'avoue que moi, je me souviens beaucoup plus de la diffusion antenne du soir à 19h55, juste avant le JT que nos parents regardaient. Et c'était un moment qui était assez hallucinant. Et d'ailleurs, en réentendant ces extraits, je me dis que Ulysse 31 a quand même cette faculté d'être une série tellement sensorielle. Elle fonctionne aussi à l'audio. Sans les images, le mélange de musique et de voix est assez incroyable. Parce que je pense que le travail sur le son, particulièrement le doublage, les musiques, a été tellement important pour l'époque que les musiques qui tout d'un coup, on est sur des riffs de guitare, ouais, de batterie, c'était des choses, enfant, ça te restait en tête immédiatement. En les revoyant avec mes enfants pour préparer l'émission, je me suis même rendu compte à quel point certains épisodes pouvaient être angoissant, mais terrible, et pas du tout dans une confrontation violente, mais dans quelque chose d'énigmatique, et les personnages s'en sortent, mais sans avoir résolu le nœud du problème que sur la planète sur laquelle ils sont posés, ils laissent cet univers comme ça, mais offert qui appartient aux dieux, en fait. Mais on sent quand on regarde Ulysse 31, effectivement, on est au début des années 80 et qu'il y a deux grandes œuvres qui imprègnent cet univers, et qui imprègnent aussi d'ailleurs le travail d'Albert Barillet, parce qu'il va s'en inspirer pour Il était une fois l'espace. C'est d'un côté Star Trek et de l'autre côté, effectivement, Star Wars. On est 4 ans après la sortie de Star Wars au cinéma et on sent que ça imprègne tout cet univers-là, à la fois dans la musique, dans les dessins, dans les designs des vaisseaux. Il y a quelque chose de très étudié et qui rend cette série, même 40 ans plus tard, mon Dieu, quand on dit ça, ça fait mal, mais 40 ans plus tard, terriblement moderne. On peut la revoir aujourd'hui, ça n'a pas pris un coup de vieux, je trouve, Ulysse 31. J'aurais rajouté quelque chose par rapport à la diffusion, puisque, comme vous l'évoquiez avec les Netflix Prime et autres Amazon Plus, à l'époque, pour nous, quadragénaires, c'est une évidence, mais pour les plus jeunes, à l'époque, il n'y avait que 3 chaînes. Il y avait donc TF1, Antenne 2 et FR3. Et déjà, FR3 jouait sur un autre créneau que TF1 et Antenne 2, puisqu'il n'y avait pas le sempiternel JT de 20h. Il y avait déjà 2 chaînes publiques qui diffusaient un JT en concurrence. Donc FR3, elle, avait joué la carte de la régionalité, France Région 3. Et on avait le décrochage local à 19h, avec ce qui deviendra plus tard le fameux 19-20, qui était le JT des régions. Et les personnes qui regardaient FR3 à cette époque ont été vraiment particulièrement sur un public de province, je disais ce terme, mais moi je viens de la campagne angevine. Moi aussi, pas de la campagne, mais... Ah moi c'était vraiment des territoires. La campagne angevine, et donc c'est les gens qui voulaient savoir les nouvelles locales, les nouvelles de la région. Et je pense que le fait qu'il y ait cet épisode de 5 minutes qui soit diffusé entre le journal régional et les Jeux de 20h, qui était également une émission très populaire, ça fait que ça a touché tout un public enfantin à qui ça n'était pas supposé être destiné. On n'était pas sur quelque chose programmé pour une case jeunesse en disant ouais, c'est ça, ça va plaire aux petits jeunes de la ville, etc. Non, là, ça touchait vraiment tout le monde. Et je pense que c'est en grande partie responsable du succès démentiel qu'a pu avoir Ulysse 31 à travers la France, puisque les petits gars de la campagne, ils pouvaient regarder un petit dessin animé le soir avant d'aller se coucher. Ça évitait aux parents d'avoir à raconter une histoire. Pour les élèves qui avaient été sages à l'école, c'était un petit peu la récompense, c'était la petite carotte pour avant d'aller au lit. Et moi, de mon côté, le générique des jeux de 20h me fait pleurer à chaque fois, parce que ça signifie fin du Ulysse 31. Et avec quelque chose d'assez important, c'est qui va peut-être nous servir aussi dans l'émission, mais c'est que la toile de fond de tout ça, c'est divertir et apprendre. Et apprendre. Ça a été le leitmotiv de Hélène Fatou, c'est ce qu'on retrouve dans les histoires de Albert Barrier aussi. Toujours avoir cette espèce de mise en opposition finalement avec la culture, avec une certaine culture, c'est ça qui est ironique. Albert Barrier n'avait pas une très grande opinion des séries japonaises, notamment Goldorak, qui est aussi Candy, important à cette Candy et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion pédagogique qui fait que qui est important à prendre en compte et qui était important justement pour pouvoir avoir une série comme Ulysse 31 sur FR3. Trois chaînes, effectivement, et en plus trois chaînes de service public à cette époque-là, puisque TF1 n'était pas privatisé. On va continuer d'en parler, mais évidemment, on fait une émission consacrée à Ulysse 31. Il faut écouter un des génériques cultes d'Ulysse 31. C'est le moment karaoké. On écoute Ulysse revient de Jacques Cardona. Ulysse revient. Regarde bien, Ulysse. Ce qui t'attend, c'est de continuer à nous défier. Écoutez Blockbuster sur France Inter et je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet de l'émission, c'est-à-dire Ulysse 31, ou en parler sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. À l'époque, les coproductions étaient une nécessité d'existence pour nous. On n'avait pas les moyens, il n'y avait pas le support qui existe aujourd'hui, il n'y avait pas les lois qui permettaient, vous savez, en France, au Canada, en Belgique, Luxembourg, en Angleterre, il y a des tas de lois qui permettent d'aider le dessin animé. Ça n'existait pas. On était complètement des pionniers. On n'avait personne qui nous aidait. Donc, il fallait s'aider soi-même. Pour nous, c'était vital. Vital. Si je ne trouvais pas une coproduction avec le Japon, il n'y avait pas d'Ulysse 31. On vient d'entendre Jean Chalopin s'exprimer sur la genèse d'Ulysse 31, mais au téléphone, on a la chance, l'honneur d'avoir Bernard Derriès. Bonjour. Bonjour. Là, vous savez, vous ne me voyez pas, mais je suis tout ému parce que une grande partie de ce que je suis et de ce que beaucoup des participants de Blockbuster sont aujourd'hui, on le doit à vous, monsieur Derriès. Un grand merci. Je m'en aperçois dans les salons quand je vais... comme ça, dans toutes les villes, un peu partout en France, je m'aperçois qu'il y a vraiment, ça a touché beaucoup de spectateurs. Ah oui, c'était vraiment une... Parce que si ça s'arrêtait à Ulysse 31, mais ensuite il y a eu les Cités d'Or, l'Inspecteur Gadget, les mini-pousses, etc. Enfin, bref, j'en passais les meilleurs. Et justement, j'aimerais savoir comment est né le studio d'animation Dick. Eh bien, écoutez, au départ, c'était un studio qui était à Tours et qui était destiné à faire du dessin animé publicitaire. On produisait des petits films à l'époque, il y avait une équipe d'une cinquantaine de personnes. Et puis, écoutez, un jour, on a voulu faire du dessin animé, comme un peu les Américains, les Japonais. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve des équipes. Et malheureusement, en France, il y avait très peu de gens à l'époque. Donc, c'était une poignée de personnes qui faisaient du dessin animé, surtout du dessin animé publicitaire. Et c'est là que l'idée est venue de s'adresser aux Japonais pour trouver d'abord un outil pour fabriquer. Et alors, comment, une grande série. Comment justement on franchit le pas, parce que c'est facile de se dire, tiens, on va en parler aux Japonais, mais à l'époque, est-ce qu'on prend un billet d'avion et on va directement là-bas et qu'on toque à la porte, ou est-ce qu'il y a déjà des intermédiaires en France? Non, mais il y a déjà il y a un salon qui existait déjà à l'époque en France qui s'appelle le MIP TV, où tous les producteurs et diffuseurs du monde se rencontrent une fois par an, et maintenant c'est deux fois par an à Cannes. Et donc c'est consacré uniquement au programme télévision. Et là, à l'époque, on a rencontré le directeur de TMS, à l'époque, qui était Fujioka, Monsieur Fujioka, et qui lui-même cherchait à pénétrer le marché européen. Et donc, puisque il y avait eu le succès de Goldorak à l'époque, qui avait été assez grand, et donc les Japonais eux-mêmes. Donc on est bien tombé au bon moment, au bon endroit, et au salon du MIP à Cannes, Jean-Charles Lopin a rencontré M. Fujioka et ils ont décidé de faire une coproduction ensemble. Et l'amitié que vous entretenez avec Jean-Charles Lopin précédait largement la création du LIS 31. Ah oui, c'était bien avant. Jean avait 14 ans, moi j'en avais 16. Il écrivait des poèmes et moi je chantais des chansons avec un camarade dans les soirées théâtrales, dans les soirées poétiques tourangelles. Et donc comment est né le personnage du LIS 31? Alors c'est Jean-Charles Lopin qui a eu l'idée et qui ont cherché une idée pour faire cette grande série qui allait convaincre une chaîne française de faire une série. Et Jean a eu l'idée de prendre l'Odyssée d'Ulysse en disant c'est un personnage fantastique. Il y a déjà toutes les aventures sont là. Mais si on le transposait dans l'espace, parce qu'à l'époque la mode c'était quand même l'espace, il y avait des livres de science-fiction en masse et puis nous on adorait ce genre. Et donc, on a commencé à chercher autour de Ulysse, et pourquoi pas Ulysse au 31e siècle. Et c'est un peu comme ça que c'est venu, tout doucement, vous savez, dans les réunions, où tout le monde donne son avis, et puis le personnage se crée, et puis le petit robot. À l'époque, il y avait René Borg qui était là, qui participait aux émissions, et qui participait à la création, et qui a fait lui-même le pilote de la série, premier épisode. Personnage dans lequel Ulysse était assez différent de sa version finale, en fait. Oui, ce personnage, le graphisme n'a pas plu. À l'époque, les Japonais n'ont pas aimé le graphisme de qui était trop épuré pour eux, qui n'était pas assez réaliste. Et donc, il y a une mésentente un peu avec les Japonais, l'équipe japonaise, et René Borg est parti. Et donc, moi, c'est là que j'ai pris la succession, que j'ai fait refondre, si vous voulez, à mon idée, les personnages. Et j'ai redessiné Ulysse, Télémaque, puisque c'est un peu le portrait de mon fils, à l'époque, qui avait le même âge. Et puis, écoutez, avec les dessinateurs, François Allotte, Philippe Adamoff, Manchu, on a assuré la création en France, et puis c'est parti de là, quoi. Et alors, j'ai lu que vous étiez aussi celui qui avait découvert Shingo Araki au Japon en voyant un film sur Lady Oscar, et vous vous êtes dit, bah tiens, ça serait intéressant de travailler avec cet homme-là. Bah oui, je veux quand même me rendre à César. C'est les Japonais qui m'ont parlé de Shingo Araki. D'accord. Effectivement, ils m'ont dit que c'était un grand chef animateur de l'époque. Effectivement. Donc, quand j'ai vu le travail, il n'était pas question de dire non, bien sûr. Hein. C'était un travail formidable. Et surtout, je l'ai rencontré. C'était un homme très ouvert, d'une grande humanité et qui a accepté la coproduction avec les Français. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident. L'équipe japonaise était assez repliée sur elle-même au départ, et surtout les artistes, qui étaient assez, comme on dit, Japan Ichiban, ça veut dire Japon en premier. Et l'équipe japonaise était plutôt assez froide à l'époque, et puis M. Araki, au contraire, lui, était très ouvert, et donc on a pu collaborer ensemble, et à partir du moment où lui était adhéré un peu à l'idée des Français, donc les autres ont suivi, et ça s'est mieux passé grâce à lui. Et surtout, aussi grâce à Monsieur Nagahama, qui était le co-réalisateur japonais, et qui lui était un francophile convaincu, et qui m'a fait découvrir le Japon, et malheureusement qui a disparu lors du premier épisode. Oui, d'ailleurs, à l'issue d'un débat autour d'un épisode concernant Éole et la manière de résoudre l'affrontement. Japonais étaient pour une confrontation physique, vous disiez non, Ulysse c'est plutôt un héros, oui, c'est Herba. Il me proposait des épreuves, par exemple des deux rangées de guerriers avec des haches, et Ulysse devait passer et éviter les haches, d'autres avec des épées, etc. Je lui disais, mais non, ça doit être un peu plus cérébral, donc on a adapté un grand jeu d'échecs. Bon, on n'était pas d'accord là-dessus. Et le samedi, on discutait de ça. Nous nous sommes un peu, comment dire, pris, on a eu une prise de bec, mais bon, c'était quand même quelqu'un de très ouvert. Il m'a ramené à mon hôtel. J'ai pris l'avion le week-end. Le lundi matin, je suis arrivé au bureau à Paris et malheureusement, j'ai appris le décès de Monsieur Nagahama. Ça, je vous assure que ça fait un choc quand vous quittez quelqu'un le samedi à Tokyo et que le lundi matin, vous apprenez qu'il est décédé. Ce qu'il y a, c'est qu'il avait une forte grippe et qu'il a voulu soigner lui-même. Donc voilà, ça a été un désastre pour la production. Et bon, j'ai été obligé de retourner tout de suite à Tokyo, bien sûr. Et là, bah écoutez, j'ai repris la série seul. Oui, parce que c'est l'équipe japonaise qui a accepté en fait que vous soyez le seul réalisateur qui chapeaute absolument tous ces épisodes aussi. Oui, oui, bah ça s'était très bien passé avec les équipes japonaises, grâce, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Araki et Monsieur Nagahama. Donc, quand je suis revenu, la production japonaise m'a dit, bah écoute, puisque tout se passe très bien comme ça, bah tu restes le seul réalisateur, voilà, pour la série. Et voilà, c'est toi qui commandes toutes les équipes. Donc là, c'est inutile de vous dire que je me suis senti très fier de cet honneur tout à coup, parce que pour que les Japonais accordent leur confiance à ce point-là, c'était un grand honneur. Oui, j'imagine. Et alors, il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, plutôt un couple, qui a aussi été très important dans la création et la réussite de Ulysse 31. C'est le couple Wallmark, avec Nina Wallmark, et, qui écrivait les scénarios. Et qui, oui, oui. Voilà. Avec Jean, oui. Elle était dans l'équipe d'écriture. C'est vrai qu'à tous les deux, ils ont écrit tous les scénarios. Voilà. Et après, c'est d'où vient cette idée d'un héros plus pacifiste, oui. Et puis aussi une meilleure représentation de la gente féminine, parce que les Japonais bien étaient sûr, encore sur des virgines. Nina a insisté, elle était déjà féministe dans les années 80, et donc elle voulait que les femmes aient un rôle actif, si vous voulez, non pas la japonaise, où les femmes étaient plutôt passives dans les séries jusqu'à maintenant. Donc elle s'est prise de bec un peu avec les équipes japonaises, parce que Ulysse, à un moment, rencontre Circé, et donc il a une aventure avec Circé. Et comment ça, les Japonais, mais Ulysse est un homme marié, c'est pas possible, il a une femme qui s'appelle Pénélope, donc elle les a convaincus, et ça a été assez bien, c'était, comment dire, un peu inattendu pour nous, parce qu'on s'attendait pas à ce que les Japonais réagissent tout à coup là-dessus, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment là une différence de civilisation. Oui. Et avec le recul, est-ce que vous avez conscience de l'aspect précurseur d'Ulysse 31 et de son rassemblement sans égal, en fait, de somme de talents? Parce que beaucoup de gens qui ont travaillé, il y a Shoji Kawamori qui a travaillé sur le design des véhicules, sont des gens qui ont tous eu des carrières, mais absolument phénoménales, dans leur pays respectif. Oui. Je l'ai revu depuis, d'ailleurs, dans un festival à Tours d'animation. Et bon, c'était quelqu'un qui était très jeune à l'époque. Hein. Il a démarré sur Ulysse, il était même pas trentenaire, il avait un peu plus de 20 ans. Donc je l'ai revu avec plaisir à Tours. Et oui, effectivement, tous ces talents, bah, les gens comme Manchu, les Adamoff, Alot, tous ces gens-là, bah écoutez, c'est vrai que on s'aperçoit a posteriori qu'on avait une équipe en or, une équipe formidable, et qui serait difficile de réunir aujourd'hui, mais. Mais c'est vrai que c'était la dream team de l'animation. On voit qu'on est des précurseurs. Et aujourd'hui, est-ce que vous suivez encore ce qui se passe dans l'animation française? Et est-ce qu'il y a une série ou un film qui a vraiment retenu votre attention? Alors, je suis surtout les films, mais c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, il y en a tellement. Je n'ai pas d'idée pour l'instant à vous donner, mais bon, c'est vrai qu'il y a des... Aujourd'hui, en animation, j'aurais aimé à l'époque qu'on ait à notre disposition la technologie de maintenant, si vous voulez. Oui. Ça permet de faire des choses formidables. Surtout au niveau de l'image, mais bien plus au niveau du son, où les bandes-son étaient très limitées dans le temps. Et aujourd'hui, on peut faire des bandes-son, même pour une série, équivalente à un long-métrage. En tout cas, même si la technologie n'était pas présente, le talent, lui, il l'était déjà bien. Et je vous réitère mes remerciements au nom de toute une génération. Merci pour vos dessins animés, merci pour Ulysse 31, pour les Cités d'Or, pour vraiment. Ça a vraiment, vraiment, vraiment été un accompagnement de nos années de jeunesse et encore aujourd'hui de celles de mes enfants, pour lequel je vous suis reconnaissant. Merci, monsieur Darius. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous savez quoi ? On va rester la tête dans les étoiles avec Kid Born in Space de Colaboy. C'est l'enfant né dans l'espace de Colaboy. Mmh, vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist. Nous sommes toujours avec Philippe Brunet, Alexandre Letraine, Mathieu Pinon pour évoquer le héros de notre, enfin de mon enfance, hein, peut-être de la vôtre aussi, Ulysse 31. Encore un enfant. Regarde, Thémis, c'est un humain de la planète Terre. Comme il est beau. Sa peau se colore, il semble revenir à lui. Oh. Où suis-je ? Oh, qui êtes-vous ? Je m'appelle Thémis, et lui, c'est mon grand frère Noumaïos. Nous venons de Zotra, qu'on appelle aussi la planète blanche. Oh, Zotra ? Quel est ton nom ? D'où viens-tu ? De la planète Terre, je m'appelle Télémaque. Ainsi, il vient bien de la Terre. Mais c'est très loin d'ici. Tu dois être comme nous, un prisonnier des adorateurs du Cyclope. Prisonnier du Cyclope ? Oui, c'est la créature qu'ils vénèrent et leur donne la lumière. Regarde-les. Oui, leur Cyclope enlève les enfants pour prendre leur énergie et la donner à ses adorateurs qui en ont besoin. Mais pourquoi ? Pour leur donner la lumière. Nous aussi, nous avons été enlevés et ça va être bientôt notre tour. Mais pourquoi un sacrifice ? Pourquoi des enfants ? Pourquoi la lumière ? Regarde, sans le cyclope, il serait aveugle. Oh ! Télémaque qui pose beaucoup trop de questions pour son bien-être. On vient d'entendre Noumaïos qui était doublé par Gilles Laurent et Thémis doublé par Séverine Morisseau. Un autre point fort du Ulysse 31, c'est évidemment son ambiance sonore et notamment la bande originale composée par Chucky Levy, Ike Egan et Danny Crockett avec des morceaux cultes qui ont d'ailleurs été totalement réorchestrés, c'est le mot, hein, par David Collin alias Parallax dans un coffret collector sorti en 2016. Magnifique. Et c'est quand même, ça en dit long sur la pérennité de cette bande-son. Il y a une pure bande originale, Alexandre Letraine. Mais c'est même pas juste la pérennité, c'est la quantité de sons qui ont été produits pour cette série. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes, il y a des musiques d'ambiance, il y a des petites virgules sonores qui existent. Enfin, c'est hallucinant d'avoir tout ça qui est constitué pour un, comme je le rappelle de ce que disait à l'époque à la télévision française, pour un dessin animé pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a une richesse incroyable des thèmes qu'on entend. Il y a effectivement ce travail qui a été fait par Chucky Levy, qui a initié aussi le travail qu'il y aura après sur les Cités d'Or, avec dans l'ombre un producteur qui est Rahim Saban aussi, qui va être à la manette aussi pour superviser aussi un petit peu tout ça. Et effectivement, le travail qui a été fait sur la bande originale, c'est une bande originale qui est d'une modernité folle, qui n'est même pas datée années 80. Enfin, quand on entend le thème très angoissant tout à l'heure qu'on a entendu en début d'émission, enfin, ça me file les poils à chaque fois que je l'entends, parce qu'il y a quelque chose c'est très très très très riche. C'est beaucoup plus riche même encore que l'était celle des Cités d'Or, qui était déjà pourtant très très importante. Je pense que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois Jean Chalopin, une fois pour une table ronde et enfin que j'ai animé, une fois pour une interview, et dans les à 10 ans d'écart, il y a toujours le même message qui revenait dans ses propos, à savoir quand il faisait des dessins animés, il considérait pas les enfants entre guillemets comme des petits d'hommes. Il s'adressait aux enfants comme il se serait adressé à un public adulte, au sens c'est pour des gamins, on peut faire de la sous-qualité, on s'en fiche, ils comprennent pas. Et donc on retrouve ça dans l'intelligence des scénarios, mais on retrouve ça également dans la richesse de la bande son. Il était hors de question qu'on prenne juste 2-3 chansons et puis que ça suffise pour les gamins, parce qu'ils et on retrouve ça également dans le doublage, puisqu'on parle dans l'ambiance sonore. Mais on va y venir. Quand on a des gens comme Jean Topard ou Claude Giraud, alias Slimane dans Rabbi Jacob, qui jouent vraiment, qui sont pas là, comme quand on parle avec une voix pour les enfants. Ils font ça très sérieusement, comme ils jouaient sur les scènes théâtrales. Et c'est, en tant qu'enfant, c'est quelque chose qui nous a tous marqué, parce que, bah oui, on était pris au sérieux, ça joue pour beaucoup. Et quand on parle justement de certains moments qui sont très très angoissants, qui font vraiment peur, alors que c'est pour un public enfantin et qu'on est supposé ne pas bousculer, si ça marche, c'est parce que tout le monde se prend vraiment au sérieux dans la conception, et ça apporte énormément encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Quand on voit la majorité des productions audiovisuelles pour jeunes publics, il y en a beaucoup qui infantilisent leur public, ce qui n'est tout sauf le cas d'Ulysse 31. Pour beaucoup, Ulysse 31 était l'incarnation de l'homme idéal. L'homme idéal, c'est justement le titre que nous chante Bertrand Burgal. C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Tes tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Tes projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller. L'homme idéal, c'est moi. Longtemps chercher quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi. C'était Bertrand Burgala qui nous chantait quelque chose qui n'existe pas, l'homme idéal. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Télémax, oh. Télémax. Oh, mon fils ! Oh, mon chéri, mon fils ! Emmenez-le, vous autres ! Attendez, non, ne lui faites pas de mal. Oh, sage Pénélope, il te suffit de commander et je t'obéirai, mais seulement si... Seulement si quoi ? Seulement si tu te décides enfin à choisir ton nouvel époux parmi nous. Mais je ne veux pas. Alors emmenez-le loin d'ici. Cet enfant sera mon esclave à partir d'aujourd'hui. Attendez, laissez-le, j'accepte. Cet arc est celui d'Ulysse, mon époux bien-aimé. Celui qui réussira à le bander et à tirer une flèche entre 12 haches entrecroisées, sans en toucher une, succédera à Ulysse et sera roi d'Ithaque. Ah ! Très bien, l'épreuve aura donc lieu demain, mais en attendant, je garde Télémaque. Bonne nuit, Pénélope. Pénélope, pourquoi leur as-tu fait une telle promesse ? Euryclée, un seul homme dans tout le royaume d'Ithaque pouvait se servir de cet arc, et cet homme, c'était Ulysse. C'est vrai, seul Ulysse avait la force de le tendre. Personne d'autre n'a encore pu l'imiter jusqu'à ce jour. Même aujourd'hui, je suis convaincue qu'Ulysse seul pourrait réussir. Aucun des prétendants n'y arrivera, j'en suis certaine. Puisses-tu avoir raison. J'aimerais faire une spéciale dédicace à Madame Tanzi, ma prof de français au lycée, pour dire que Madame Tanzi, j'ai repéré la connotation sexuelle dans cet extrait d'Ulysse. Effectivement, Ulysse est le seul à pouvoir bander son arc, et c'est pour ça qu'il est le seul à pouvoir honorer la couche de Pénélope. Même moi j'ai vu. Et justement, il y a quelque chose qui m'interpelle, et là je voudrais parler au spécialiste Philippe Brunet, concernant la manière dont on définit le héros post-christianisme, le héros judéo-chrétien, et le héros mythologique. Parce que les héros mythologiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont des gens qui s'affranchissent d'une certaine morale. On voit que Hercule, Héraclès, fait ses 12 travaux parce que c'est en pénitence d'avoir tué sa femme et enfant. Pour ce qui est de le labyrinthe avec Thésée et le Minotaure, il abandonne Ariane une fois qu'elle lui a filé un coup de main. Ulysse, il a 2, 3, 4, 5 aventures avant même de rentrer chez lui. Il n'y a pas du tout ce code de moralité très judéo-chrétien qu'on peut appliquer sur les héros de la mythologie. Oui, c'est vrai. Bon, je ne sais pas si je peux parler de morale, si la morale leur est étrangère, je ne pense pas. Au contraire, Ulysse, il veut rentrer chez lui, il reste fidèle à son épouse. Je pense qu'il suit un code d'honneur très... Bien sûr. Mais qui ne l'empêche pas d'avoir une relation avec Calypso. Ça n'empêche pas, ça n'a jamais empêché personne, je crois. D'accord, non, ok. C'est vrai que vous en dites beaucoup plus sur vous que sur Ulysse. je parle bien d'Ulysse, c'est bien l'émission sur Ulysse. Hein, on est bien d'accord. Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse différence, en fait, sur, dans l'écriture et dans la manière de constituer ces figures de personnages héroïques, même les dieux. Souvent, les dieux sont des personnages colériques qui punissent ceux qui prétendent être à leur niveau. Même Athéna, qui est pourtant une figure qu'on imagine souvent comme quelqu'un de très positive, tout d'un coup, elle rencontre une tisseuse qui coue mieux qu'elle. Oh, bah, elle la transforme en araignée. Enfin, il y a cet aspect-là aussi chez les dieux grecs qui est absent de nos codes judéo-chrétiens à nous. Mais bien sûr, les dieux sont dangereux, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi, et puis c'est un échange qu'on établit avec eux, et dans cet échange, Ulysse est quand même très très respectueux des dieux. Alors, il a parfois eu un oubli, justement vis-à-vis d'Athéna et avec ses camarades achéens, et ce qui fait que justement il va errer, puis la deuxième faute, mais ça, c'est lorsqu'il crève l'œil du Cyclops. Oui. D'autant que tout ça arrive donc après que la cité de Troie soit tombée, qui elle-même avait été construite par Poséidon et Apollon, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, dans l'Iliade, comme il y a un contre-rempart qui est construit, Apollon et Poséidon sont furieux, parce que qu'est-ce que c'est que ce rempart qui fait tâche, qui porte atteinte justement à la gloire de leur rempart, qui malgré tout, un jour, doit être détruit. Donc... Même les dieux ne font pas toujours œuvre éternelle. Donc quelque part, Ulysse, avec le cheval de Troie qui arrive à passer à travers les murailles des dieux, c'est le triomphe de l'intelligence humaine par rapport à la foi aveugle. Oui, incontestable. Et puis de l'intelligence qui n'est pas manuelle dans le cas d'Ulysse, parce qu'il fait faire. Ce n'est pas lui qui construit le cheval, mais l'idée est de lui. Donc ça, c'est Épéios qui le construit. Ah, ça, c'est là que Bernard Arnault nous téléphone en disant « Ah, vous voyez qu'en fait, moi j'ai des idées et ils ont les écrits. » Je vous remercie. Franchement, ça nous emmène, nous, Blockbuster, c'est incroyable. Et est-ce que vous... Est-ce qu'il y a une adaptation d'Ulysse, dans ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, qui est particulièrement fidèle à celle d'Homère, où il supporte absolument toutes les déclinaisons? On parle d'Ulysse 31 ou d'autre chose? Ulysse 31 ou autre chose? Moi, je crois que vraiment, c'est un espace très ouvert, très ouvert. Et on est heureux d'y retrouver les choses. On est toujours heureux de retrouver certains éléments. Alors, après, ils peuvent décliner de mille et une manières. Et non, je ne sais pas si je peux parler de... Non, non, on a tous notre mère. Moi je la prends dans le texte, c'est vrai, dans l'espèce de littéralité, comme ça, du texte. C'est tellement puissant et c'est tellement peu, finalement, connu. C'est-à-dire, malgré tout ce qui est fait à partir de l'épopée, il manque toujours un petit peu le texte. Donc toujours. Et puis l'instance de l'aide qui manque un peu. Oui. On est dans les aventures, on est plongé dans ce premier plan des événements. Mais on oublie qu'une grande partie, notamment les récits des voyages, c'est Ulysse qui les raconte lui-même au banquet des Phéaciens. Et pour être au banquet des Phéaciens, il a fallu y arriver. Et donc, il faut que quelqu'un d'autre raconte, oui. Parle d'Ulysse à la troisième personne. Et il y a tout cet empilement d'instances narratives, de narration. Côté gigogne. Voilà, oui. Qui sont et puis qu'il y avait une seule voix qui racontait tout ça. Qui montrait tout ça, c'était la voix de l'aide, le geste de l'aide. Alexandre Letraîne, oui. Aujourd'hui, il y a pléthore de dessins animés. Pléthore de choses à voir pour les plus jeunes. Comment faire en sorte... qu'est-ce que vous diriez à un enfant pour qu'il regarde Ulysse 31 plutôt qu'autre chose pour qu'il découvre ? Ça, c'est toujours la vaste question quand on réfléchit effectivement sur ces dessins animés-là. Pourquoi est-ce que nous, on les aime et il y a toujours un décalage entre ce que nous, on a aimé quand on était petit et ce que les gamins vont aimer aujourd'hui. Mais précisément parce que, comme toutes les œuvres de culture qui ont été créées et qui étaient déjà précurseurs, elle traverse les époques et que aujourd'hui le fait que les personnages ne soient pas des personnages infantilisés, que ce soit des personnages qui soient construits, qui soient bâtis avec une vraie aventure, avec de l'action, avec un design qui est très très grande modernité, avec une musique qui va permettre d'accompagner les gens, les spectateurs, les enfants qui vont se plonger dans cette aventure qui est on attend, ça fait 40 ans qu'on attendrait, pourquoi pas, une possible suite qui malheureusement ne viendra jamais. On imagine que cette grande aventure qu'on a vécu épisodiquement, chaque soir devant la télévision. Aujourd'hui, le DVD permet aussi de revivre ça sous des images qui ont été encore un peu plus arrangées. Et moi, je ne vois pas comment un enfant d'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Bernard Derriès, pourrait ne pas prendre du plaisir à suivre ces aventures, ces personnages qui sont extrêmement forts. Voilà. Et une histoire extrêmement forte. De toute façon, si elle existe depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, il n'y a pas de raison qu'une itération comme celle d'Ulysse 31 ne parle pas à quelqu'un. Une bonne histoire reste une bonne histoire. Mathieu Pinon. Outre le fond, voilà, le fait que l'histoire reste une bonne histoire, hein, voilà, comme on a dit, le récit homérique, il a été éprouvé par les siècles, donc il n'y a pas de raison que même s'il est réadapté, un petit peu modifié pour être à une sauce plus science-fiction, ça ne soit pas toujours aussi efficace. Il y a aussi la technique. Alors oui, effectivement, c'est un dessin animé qui a 40 ans, mais quand on se rappelle les conditions dans lesquelles il a été fait, et là je ne parle pas uniquement du fait que ce soit une coproduction, les studios au Japon avaient 2 semaines pour réaliser un épisode, là où d'habitude on tourne vraiment sur un principe hebdomadaire avec 1 semaine. Il y a eu une qualité d'animation qui est largement supérieure aux standards de l'époque. Si vous regardez des dessins animés japonais qui étaient produits justement au rythme hebdomadaire dans les années 80, on est très souvent sur du 6 images par seconde, voire 8. Là, on est toujours sur du 12 à minima. Alors bien entendu, il y a quand même des moments où on va avoir des jolis travelling, des panneaux pour pouvoir masquer et ne pas avoir d'animation, mais là, j'ai regardé quelques épisodes avant de préparer cette émission, justement. Mais j'ai été scotché en me disant, mais pour 40 ans, techniquement, ça a très très bien vieilli parce que il y a une animation qui est de haut niveau. Et c'est très amusant de savoir que René Borg, quand il a entre guillemets claqué la porte, c'était parce qu'il trouvait que les Japonais n'avaient pas une animation suffisamment souple et fluide pour lui. Je pense, franchement, je pense en mon fort intérieur que c'est pas la vraie raison. Parce que René Borg, de son côté, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les Shadok, qui sait ce que c'est que l'animation limitée, qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine. Oui. Donc il doit y avoir autre chose, parce que l'animation de l'Ulysse 31 est tout sauf limitée. Donc, outre le fond, comme l'a si bien dit Alexandre, il y a la forme qui fait que ça a très peu vieilli. Et puis, une bonne histoire pour un enfant, ça restera une bonne histoire, comme pour un adulte. Et puis, quand on voit le générique, on parlait des chansons, mais quand on voit le générique, le design du générique, c'est un clip. C'est un clip. C'est-à-dire que c'est hyper bien foutu. Ça, c'est du travail de Jean Chalopin aussi sur cet aspect-là, mais c'est un clip. C'est hyper bien mis en scène, c'est hyper bien mis en image. Enfin, tout a été pensé pour que le spectateur qu'on était soit heureux. Et de toute façon, c'est une série qui a été aussi diffusée à un créneau. Voilà. Et j'aimerais que ça soit le fin mot de cette histoire. Tout a été pensé pour que le spectateur soit heureux. Donc vous, auditeurs de Blockbuster, nous aussi on vous le souhaite, soyez heureux avec Homer en lisant l'Odyssée, en regardant Ulysse 31. Une bonne histoire reste une bonne histoire. C'est la fin de cette émission. Philippe Brunet, Alexandre Letraine, Mathieu Pinon, Bernard Derriez au téléphone tout à l'heure, merci. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour nous parler du sujet du jour, c'est-à-dire Ulysse 31, ou nous en parler sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Et évidemment, cette émission, comme toutes les autres émissions, a été réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Jeanne Paravert, brillamment, et aujourd'hui à la technique. Et on était ravis de l'avoir avec nous, Claude Niort. N'oubliez pas que vous serez toujours les bienvenus. Je ne t'oublierai jamais, Priam. Au revoir. Au revoir, Télémaque. Au revoir, mes amis. Au revoir. Mais Ulysse reprendra sa marche sans fin, celle du chemin du retour. France Inter.